Chapitre 25e. Lorsque Robert revint en France avec sa femme, Jason, Lisbeth et Mike, il était plus gai, plus décontracté. Le poids sur sa poitrine avait disparu. Il pensait maintenant à sa famille et à son travail plus clairement. Dans les 5 années qui suivirent, il reconstruisit la belle demeure de ses ancêtres près d'Honfleur. La maison était à présent une des plus luxueuses de la région et il y passait souvent les week-ends. Il créa également une société de voitures-navettes allant du petit aéroport de Beauce, près de Rouen, pour conduire tous les VIP à sa banque et à leur hôtel. Il acheta un yacht qu'il ancra à Deauville, et la vie continua. Jérémy faisait ses études comme prévu aux États-Unis et revenait toujours passer les vacances en France. Le lien qui unissait les deux jumeaux était si fort qu'ils arrivaient à se comprendre sans même se parler. C'était pratiquement de la télépathie. Le jour de leurs 18 ans, Robert leur parla. « Mes enfants, jusqu'à présent je suis fier de vous, mais je vais vous demander encore plus. J'aimerais que pendant vos vacances vous travailliez. Oh, attention, pas à la banque, mais chacun de vous, en bas de l'échelle, dans une entreprise ou un magasin. J'aimerais que vous puissiez comprendre mieux les employés qui, un jour prochain, seront sous vos ordres. À ce propos, j'ai retrouvé au fin fond du grenier au ranch un vieux journal tenu par le pionnier de votre famille, de notre famille. Il y a consigné tous les faits et gestes qui relatent notre histoire. De plus, ce journal a été mis à jour régulièrement par tous nos descendants. J'ai fait la même chose, en écrivant toute la vérité, bien sûr. Je vous le confierai en temps utile et j'espère que vous aussi, vous le rédigerez à votre tour. Tu peux compter sur nous, père. Dirent les jumeaux ensemble. Quand devons-nous commencer le travail et où? Mes fils, vous commencerez lundi matin. Toi, Jérémy, tu ne conduiras pas encore les navettes, vu que tu n'as pas encore le permis, mais tu feras office de secrétaire particulier pour les VIP que nous recevrons. Toi, Jason, tu commenceras dans un grand magasin de meubles de la région. Tu seras un magasinier. Tu devras aussi t'occuper d'un peu de tout dans ce commerce. J'espère que cette expérience vous sera salutaire pour l'avenir. Vous travaillerez 2 mois cette année. Ensuite, vous repartirez tous les deux aux USA pour finir vos études à l'université. Ainsi fut fait. Lorsque le mardi matin, Jason arriva à son travail, il enfila une blouse blanche et commença par décharger des cartons de téléviseurs. Il lui fallut encore les transporter dans le magasin et les installer. Au départ, il y eut quelques cafouillages, mais dans l'ensemble, il se débrouillait plutôt bien pour son jeune âge. 2 jours plus tard, ce fut au tour de canapés à transporter dans les rayons des meubles, puis des armoires à monter. Il était aidé par un autre jeune homme de 2 ans plus âgé que lui qui l'encourageait. Le soir, à la maison, après avoir pris une douche et dîné, il s'écroulait sur son lit mort de fatigue. Pourtant, au bout d'un mois, il s'endurcit et parlait sans cesse à son père et à son frère de son travail, avec son lot de surprises et d'anecdotes. Jérémy, quant à lui, s'accoutumait également à l'humeur souvent taciturne et exigeante des clients. Robert était de plus en plus fier de ses fils. Cependant, un soir, la situation changea subtilement. Jason rentra, se doucha comme d'habitude, et après le repas s'enferma dans sa chambre. Le croyant fatigué, son père et son frère le laissèrent tranquille. Ils demandèrent même à Lisbeth, qui devait alors avoir 14 ans, et à son petit frère Mike, de 11 ans, de moins se chamailler. Ces deux-là étaient insupportables. Mike ayant trouvé le moyen de désarticuler une poupée de collection de sa sœur, ils se bagarraient en poussant des hurlements. Robert y remit bon ordre. « Assez. Je ne veux plus vous entendre. Filez dans vos chambres et silence. Vos frères travaillent et ils ont besoin de repos. Je ne le répéterai pas. » Le silence se rétablit aussitôt et Robert demanda à Jérémy. « Il avait l'air plutôt taciturne, ton frère, ce soir. Tu ne sais pas pourquoi, par hasard ?»« Non, papa, mais je peux aller lui demander si tu veux. »« Non, laisse-le tranquille. S'il a envie de nous parler, il le fera tout seul. »« Bon, je vais travailler un peu. »« Ah, j'ai eu des nouvelles d'Isabelle aujourd'hui par l'intermédiaire de son avocat. »« Elle désire que je signe les papiers du divorce le plus tôt possible. » « J'en suis vraiment désolé, papa. Mais qu'a-t-il bien pu se passer entre vous pour que vous en arriviez là ?»« Je ne sais pas. J'ai peut-être accordé trop de temps à mon travail et pas assez à vous tous. Cela a fini par casser l'amour qu'elle me portait. Tu n'es pas trop malheureux, si je peux faire quoi que ce soit. Non, Jérémy, je te remercie, mais c'est trop tard. Il soupira, prit sa mallette et alla travailler dans son bureau. Jérémy haussa les épaules. Décidément, son père n'avait pas de chance dans sa vie sentimentale. Le lendemain, la même situation se reproduisit avec Jason, et cela dura toute la semaine. Il se cloîtrait dans sa chambre à peine rentré du travail. Jérémy, un soir, frappa à sa porte et entra. Il vit son frère allongé sur son lit, les yeux dans le vague, écoutant de la musique en sourdine. Hey, « Hé, frangin, ça va? Hein? Ah, oh oui, ça va, et toi? Oh, moi, ça va très bien. Mais père et moi, on s'inquiète un peu pour toi. Tu rentres, tu manges, tu te laves et tu disparais dans ta chambre. Plus d'histoires, plus d'anecdotes, rien. Alors, raconte. Il n'y a rien à raconter. Avec moi, ça prend pas. Comment est-elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Allons, fais pas l'imbécile. Cette lueur dans ton regard, et puis, tu ne manges presque rien. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Je devine un coup de foudre. Raconte au bon vieux docteur Jérémy. Jérémy, oui, fous-moi la paix. Ah, voilà qui a le mérite d'être clair. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu te trompes? J'attends. Tu es vraiment casse-pied. Peut-être, mais je veux savoir. Allez, ne te fais pas prier, raconte. Comment est-elle? Tu y tiens vraiment, hein? De toute façon, tu me lâcheras pas avant, c'est ça? Ah, j'avais raison. Et comment que j'y tiens? Je t'écoute. Il y a eu un orage une semaine auparavant. Ah oui, merci de me le rappeler. J'étais dessous et l'abruti que je devais conduire à l'hôtel m'a fait attendre une bonne demi-heure. Bon, ensuite. J'étais dans le rayon des téléviseurs et là. Continue, ne t'arrête pas en si bon chemin. Je l'ai vu. C'est tout? Tu te fous de moi? Et après, que s'est-il passé? Elle était avec une gamine d'une douzaine d'années, sa petite sœur peut-être. Elle était trempée de la tête aux pieds. Elle portait une tunique indienne blanche qui était devenue transparente et lui collait au corps. Et je l'ai regardée. Je n'ai pas encore vu de plus beaux yeux. Je crois que nous sommes restés une bonne minute, le regard rivé l'un à l'autre. On était attirés comme deux aimants. J'ai réagi bêtement un peu après. Je suis allée chercher une serviette, la lui étendue, en lui demandant si elle avait besoin que je l'aide. Tu as fait ça? T'es un peu gonflé quand même. Je ne savais plus ce que je disais ou ce que je faisais d'ailleurs. Je me rappelle lui avoir montré le vestiaire et lui avoir dit que pour s'essuyer, elle y serait tranquille. Ensuite, elle y est allée et est revenue, m'a remerciée. Elle a fait un tour dans le magasin en laissant la gamine devant les téléviseurs à regarder les dessins animés. J'ai fait plusieurs fois le tour du magasin en m'arrangeant toujours pour me trouver sur son chemin. Chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais mon cœur battre de plus en plus fort. J'ai cru qu'il allait exploser. Tu es tombé amoureux. Et c'est tout. Elle m'a tendu la serviette, m'a remercié et elle est repartie à la fin de l'orage. Quoi? Tu ne lui as pas demandé son nom, son adresse, un rendez-vous, ni même d'aller boire un verre avec toi? Ah non, j'étais comme envoûtée. Et depuis, tu l'as revue? Non, elle n'est pas revenue au magasin. Bah, t'inquiète pas, si tu lui as fait le même effet, elle reviendra.